goût des rêves qu'avec tout notre amour nous serions là réunis. La sagesse grandit en chacun de nous et nous réserve des jours meilleurs. Et c'est maintenant que tout se joue. J'ai fait le plus beau des rêves qu'avec tout notre amour, nous serions.